vagues jouaient sur ton front. Et le soir s'avançait sans passion. Là, tu chantais la vérité nue en des temps de honte inconnue. Avoir un écho dans les douleurs des solitaires au cœur rêveur qui soupirent pour l'égalité en ces jours de disparité. Loin, je te vis parmi les cœurs. Tes notes caressaient mes pleurs. J'ai pris ta main, fait le jasmin, partageant son chagrin divin. Car fit trembler mes astres. Je t'ai dit, veux-tu qu'on s'astreigne à l'union étoile, quête tendre que j'ai cherché sans jamais l'entendre. Les présents ouvrir les flèches et dans les flots riller la mèche de Cupidon. Le garçon doré devant qui les dieux et les poètes se sont rendus, lui offrant la mer et son rugissement. S'avançait sans passion. Là, tu chantais la vérité nue en des temps de honte inconnue. Ma voix, un écho dans les douleurs des solitaires au cœur rêveur qui soupirent pour l'égalité en ces jours de disparité. Loin, je te vis parmi les cœurs. Tes notes caressaient mes pleurs. J'ai pris ta main, fait le jasmin, partageant son chagrin divin. Ton regard fit trembler mes astres. Je t'ai dit, veux-tu qu'on s'astreigne à l'union étoile, quête tendre que j'ai cherché sans jamais l'entendre. Les présents ouvrir les flèches, les dents, les flots riller la mèche de Cupidon. Le garçon doré devant qui les dieux et les poètes se sont rendus.